4. À la radio. Exercice 50. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous écoutez la météo à la radio française. Bonjour. Aujourd'hui encore, des températures très basses pour la saison. Il va faire moins 9 à Strasbourg ce matin, moins 6 à Paris, moins 2 à Nice et 0 à Bordeaux. Il neige en montagne à 1000 mètres. Le soleil est présent au nord et au sud, mais vous aurez un peu de pluie à l'ouest cet après-midi. Attention au brouillard dans le centre et au vent qui va souffler très fort à l'est. Rentrez les plantes pour éviter tout problème.